force ennemie. Troisième partie, chapitre 3. Tué de lassitude, j'ai dormi presque toute la nuit comme une souche. Vers le matin, cependant, un cauchemar assez déplaisant m'a réveillé. Monsieur Jagre, plus matou que jamais, les yeux comme des chandelles vertes, oh Alfred Jarry, ou tout au moins à flamme verte, miaule, grogne et jure en poursuivant Irène, lui mord une oreille, puis la nuque, et se livre aux plus érotiques fantaisies sur la personne de ma pauvre petite princesse. Madame Robinet, en déshabillé assez peu élégant, une veste de jockey et rien de plus, les hanches tellement débordantes que ses énormes mollets et ses robustes chevilles semblent grêles par comparaison, s'assoit sur ma tête pour m'empêcher de courir au secours de l'exquise. Nélix lit, avec la voix et l'accent de l'haïtien Saint-Val, certains de mes vers où je célèbre ses abominations. Et toute sa famille, dont ma belle-sœur Adrienne fait subitement partie, me pourchasse à coups de gourdin jusque sur le pont d'un gros steamer noir qui appareille à destination des Antilles. Pourquoi à destination des Antilles? J'ai le pressentiment que je le saurai dans la journée. Le bruit sourd des premiers coups d'hélice dissipe le fâcheux rêve et j'entr'ouvre des paupières lourdes et irritées. Je reconnais la chambre de l'hôtel du Périgord. Il fait un temps sombre et roussâtre de mauvais augure. Des nuages de suie paraissent frôler les cheminées des maisons. Mais en dépit de ma fatigue et d'une sorte de découragement, je m'ablutionne avec une rare vigueur, m'adorne de la luxueuse reliure de drap marron achetée hier avec mon frère, me fait beau, dirais-je, si mon déplorable museau ne protestait contre une expression si flatteuse. Déjeune à la hâte et me précipite dans la rue. Mon vieux Paris me semble tout changé à mon égard. On dirait qu'il me boude ou m'avertit. De quoi? D'un malheur? D'une simple difficulté? Ces maisons, aujourd'hui fuligineuses, me font la grimace. Je me sens perdu, étranger au milieu des passants plus lents, d'aspect plus ennuyé que les gens coudoyés hier sur la rive droite. C'est ici un Paris plus calme, moins exaspérant pour le provincial que je suis devenu, mais aussi plus froid et peut-être plus inquiétant. Je sais bien que c'est une impression absurde, mais je crois sentir qu'il plane comme une sorte de fatalité triste sur ces quartiers à contraste où de larges rues trop neuves éventrent des entassements de grandes fourmilières noires. Sur le boulevard des Invalides, je cherche le numéro 750 et le découvre tout au bout, près de la rue de Sèvres. C'est une vaste maison, de rapport de style trop moderne, avec d'idiotes coupoles qui en font une sorte de bon marché, plus laid. Que vais-je tenter là? Quels travaux d'approche vais-je entreprendre? J'interroge le concierge, fonctionnaire à redingote bleue, agrémenté de boutons de nickel. Cet administrateur important et gourmé coupe court à mes incertitudes et donne raison, jusqu'à un certain point, à l'avertissement du Paris de la rive Senestre. Madame Letellier, il y a 12 jours qu'elle est partie avec monsieur, qui a été nommé gouverneur de la Gobloupe. Ah, cette rive Senestre, Si je comprends bien le dignitaire préposé à la loge, Irène, dont le mari aura été bombardé gouverneur de la Guadeloupe et dépendance, style officiel, parce qu'il harcelait trop les ministres de ses interpellations plus ou moins coloniales, s'est embarqué le 10 à Saint-Nazaire, sur le paquebot des Petites Antilles, accompagnant M. Letellier, qui rejoignait son poste. Que faire ? Je cours, ou plutôt un cheval de fiacre court pour moi, jusqu'au bureau de la compagnie transatlantique, sur l'autre rive encore plus dangereuse. Un steamer partira de Pauillac le 25 pour les Antilles, le Venezuela et la Colombie. Si l'on ne me fait pas réintégrer de vive force le domicile de Julien, c'est ce vapeur qui m'emportera vers ma princesse. Nous sommes le 22. En partant ce soir, j'arriverai à Bordeaux avec 2 jours d'avance. Je serai parfaitement en sûreté dans cette ville où personne ne s'avisera d'aller me dénicher. Mon impatience devient fébrile, une impatience si enfantine que je me crois incapable d'attendre le moment de monter en express, 7h55 du soir, ailleurs qu'aux environs de la gare d'Orléans. Le fiacre me conduit près de la Halle aux Vins, un restaurant dont j'ai naguère entendu parler. Il me faut des forces pour une nouvelle nuit blanche, en wagon cette fois, et je me bourre en conscience, très ignorant, par exemple, du genre de mixtures alimentaires dont je leste mon estomac, par bonheur obéissant. Mais comment vais-je tuer le temps qui me sépare de l'heure bienheureuse où je commencerai enfin à me rapprocher un peu d'Irène? Il n'est pas encore midi. Mon café avalé, je mets hors d'usage une douzaine de cure-dents. C'est un sport que je ne recommande pas. Je fume de cigarettes en prenant un petit verre de cognac de pure fantaisie. En désespoir de cause, je vais faire des cocottes avec le menu et la carte des vins retirés de leur cadre de faux maroquin rouge, quand 2 messieurs, très connus de moi, veulent bien me donner la comédie. Très grave, trop digne, avec des regards trop profonds, ils pénètrent dans la salle du restaurant à petits pas très précautionneux, comme si le parquet dardait çà et là des pointes de clous. Ils ne m'ont pas vu. Le réfectoire public s'est passablement garni d'amateurs de saumon sauce verte et d'entrecôtes bordelaises. Ces 2 messieurs s'installent tout près de moi, à une table qui fait face à la mienne. Nous n'avons entre nous, comme écran, que le feuillage d'une plante que je prends pour une betterave montée. Ils se sont débarrassés, l'un d'un immense chapeau haut de forme, l'autre d'un feutre qui me rappelle le Finistère jadis entrevu. Après avoir commandé leur déjeuner aux garçons, avec une grande profusion de gestes un peu ecclésiastiques et une kyrielle de recommandations marmottées à voix basse, ils se mettent à échanger leurs impressions, toujours sotto voce, mais l'acoustique de la salle me favorise et je ne perds pas un mot. Hein, partir ensemble, nous avons eu de la chance, mais est-ce que les camarades du club doivent se trouver désorientés sans nous? Le plus absolument beau, absolument oui, c'est de blim blum, d'avoir semé en même temps nos mécaniques, nos pions de parents, blim blum réciproques. Nous allons fonder à nous deux une république de gens vraiment libres, dont nous serons l'un et l'autre les présidents et les administrés. Mais qu'est-ce qui a pris à le lancier de mécanique, de d'écrire à nos familles pour dire que nous étions blim blum guéris? Ah, nous avions 3 ans d'internat, nous étions les 2 derniers numéros de la vieille série dite Deluxe, oh l'étrange luxe, Le père Froin avait exigé, avant son départ, qu'on n'augmentât pas notre pension mensuelle. Le lancier a trouvé un joint pour tenir sa parole sans la tenir. Il n'a pas demandé un radis de plus à nos chers consanguins ou utérins. Au contraire, il les a dispensés de tout douloureux versement en nous donnant la volée, après s'être, bien entendu, assuré de deux autres colons en chambre qui payeront le triple de la somme que nous servions à l'établissement. Bien imaginé, et tant mieux pour nous. Alors, nous mécaniquons vers le Chili? Ce pays me fut indiqué par le conseil fluidique du mage O'Hirl, qui navigua sur les voiliers de la compagnie Borde. Et une fois absolument là-bas, nous prenons un homme d'affaires chilien qui, au moyen du consul français, dégraissera nos excellents cousins ou oncles de quelques sous nôtres dont ils ont eu la bonté de s'embarrasser. Puis nous ne sommes plus des aliénés. La faculté représentée par le lancier ayant bien voulu nous paraffer d'un diplôme de santé mentale, nous avons le droit de posséder. Vous sentez-vous aussi, absolument, oui, aussi parfaitement guéri que vous le dites? On surveillera, hein? Et puis, comme nous montons une maison de fous là-bas, on ne s'arrêtera pas à nos légères excentricités. Nous aurons des repoussoirs. Chez nous, ce sera sublime. Nous ne prendrons pour gardiens que de très sales gens munis de casiers judiciaires et les avertirons que leur premier devoir sera de recevoir sans réclamer toutes les raclées qu'il plaira aux internés de leur administrer. Oh, admirable ! S'écria avec un enthousiasme un peu trop bruyant Monsieur Oswald Norbert Nigeot, mon confrère en Apollon et ex-co-interné. Il s'arrête court, s'inquiète, regarde autour de lui pour savoir si sa véhémence n'a donné l'éveil à personne. Mais il m'aperçoit, devient pourpre, lit de vin, puis verdâtre sous un lacis de coupe rose amarante. Il glisse vite deux mots à son compagnon, le docteur Magne, dont la belle figure de sage de la Grèce se décompose, grimace abominablement. Il m'a vu lui aussi maintenant, du coin de l'œil, et mes deux philosophes se lèvent d'un mouvement presque simultané, me tournent le dos et s'apprêtent à changer de table. Cette rencontre d'un ancien compagnon d'infortune leur cause une affreuse contrariété. Vous ne trouvez pas qu'il y a par ici un bien fâcheux courant d'air? Fait Magne. Oui, nous allons être, blim blum, mieux là-bas, derrière la mécanique, le paravent. Ils se réinstallent à une belle distance de moi pour se relever tout de suite en quête d'une autre place. Le paravent ne les masque pas. Ils répètent leur petit manège deux fois encore, guignant toujours de mon côté avec effroi. Je le proclame à basse et peu intelligible voix. Ces gens-là ne sont pas guéris. Je suis plus sain qu'eux. « Turlututu !» chantonne Kmoroun. « Il n'y a que moi de raisonnable, en toi. » Mais les nouveaux Anlonli ont enfin découvert une position géographique à leur convenance. Le comptoir et la grosse dame qui occupe ce monument chargé d'huiliers et de bouteilles d'eau minérale les abritent contre tous les regards indiscrets. J'allume une nouvelle cigarette, paye mon addition et me prépare à sortir pour rassurer les deux compères et les laisser déjeuner à leur aise. Mais Kmoroun ne l'entend pas ainsi. Pendant que je m'imagine faire route vers la porte, le Koukrien donne un coup de barre et met résolument le cap sur le comptoir. Sans m'en douter, je vais droit aux deux philosophes dont les visages revêtent la plus touchante expression d'angoisse. Je veux encore feindre de ne pas les voir, mais Kmoroun tient absolument à les faire souffrir pour les punir de nous avoir fui. Je suis épouvanté quand une voix horrible, celle du naguère si redouté Bidôme, sort de ma gorge et articule ces mots. « Ah, schnapouillot, margouillard, bougraillon, mangez bien et digérez mieux, car à 3 heures précises, nous allons vous coller dans le bassin à la grenouillarde, et sous une jolie trombe encore. » Quelques déjeuneurs semblent scandalisés, mais vite retombent à la contemplation de leurs assiettes. Nigeot et Magne ont des yeux comme des billes. On croirait que ces globes oculaires vont jaillir de leurs orbites. Les pauvres camarades ressemblent déjà à des homards un peu moins myopes que la moyenne. C'est un spectacle dépourvu de toute beauté. Magne, qui a plus de dignité naturelle que son compagnon, réagit bientôt contre sa peur, se compose une physionomie accueillante et, prenant son parti de la situation, me tend la main sans trop d'effort. « Ah, Veli, quel plaisir de vous revoir! Asseyez-vous donc près de nous! Mais, pour Dieu, ne faites plus d'imitation de l'infâme Bidôme, cela donne le frisson !» Nigeot est plus froid. Je l'ai terrifié et il m'en veut. Ses mains rouges, en viande crue, comme il le dit lui-même, tremblent encore. Son vilain nez, pourpre et ocre, qui ferait pâlir le drapeau espagnol, conserve un petit frémissement. « Toujours sale type » gronde-t-il. « Fasto a eu tort de lâcher un si détestable, blim, blum, poète. Déshonneur pour l'art. Publierait des machins, des bouquins, sales mécaniques. » Ses yeux de mongol, si exigus, ont un vernis méchant. Je ne dirai jamais une flamme en parlant de ses laides et minuscules taches brunes luisantes. Mais il s'emballe. Moi jamais ferai paraître des machines à 3,50 francs ou à moins. Cochonnerie. Fabrique des verres pour moi tout seul. Au besoin pour Magne et aussi pour 2 barmettes des Folies Bergères. 3 seules personnes intelligentes que je connaisse. Des verres, oh, beaux et exquis. Rime, écho adouci. Pas j'enfoutrerie de rimes riches parnassiennes. Rimes riches. Ah, me font l'effet d'un bloom, d'un coup de pied dans le cul. Pas de mystère, pas de choses, pas de machin, tout ça des mécaniques, rimes riches, comme disait Baudelaire, qui avait le droit, lui, et il n'en abusait pas, de rimer richement parce qu'il était lui. Ah, rime atténuée, pas trop continuelle, rappel lointain, étrange, saisissant, triste, bleu, doux, exquis, parfaitement, oui. Pas mécanique, pas blim-bloom, absolument, non. Je ne puis m'empêcher de penser que ce maniaque habituellement idiot a 100 fois raison avec son obscure mais intelligible théorie poétique. C'est une des rares fois que je l'ai entendu dire quelque chose de sensé. Et il aime Baudelaire. Ah, tant pis pour le surhumain poète, mais tant mieux pour ce lamentable polichinelle de Nigeot. Cette admiration passionnée pourra peut-être, avec le temps, rendre tolérable la puanteur de son crétinisme. Je sais, du reste, qu'à Vasseto déjà, le gâteux Oswald Norbert n'était guère préoccupé que du dieu auteur des fleurs du mal. Et ce fut mon unique raison de sympathie pour le chinois à la gelée de framboise. Mais Mohoun me talonne. Il faut, absolument oui, que je persécute les 2 ex-internés guéris ou affirmait-elle. J'ai appris, dis-je au bar de Mandchou, que vous allez au Chili. Appris, comment? Bredouille Nigeot. nous avait entendu parler. Toute sa figure se sillonne de petits ravins jaunes et rouges. « Ah, cochonnerie ! » s'écrie-t-il. « Les paroles, c'est encore de la mécanique. Ça fatigue d'abord à prononcer. Et puis c'est surpris par les autres, les féroces autres, les pauvres moi. Et Magne est un moi, tandis que vous êtes un cochon, un saligaud d'autres. Les pauvres moi, nous sommes peut-être 150 en tout sur ce cochon de globe terrestre. Pourquoi ne peuvent-ils se communiquer leurs pensées sans faire des efforts de larynx ? Nijo s'entendrait avec Morhone. Et puis, tout est de la mécanique, de l'effort sur ce fumier de planète. Il faut s'habiller, se déshabiller. On ne peut jamais rester dans un état. Il faut toujours changer d'état. Imbécile, cochon que nous sommes. On est bien couché, n'est-ce pas ? Eh bien, crac, il faut se lever. On est bien debout ? Eh bien, bloum, blim, bloum, il faut se coucher, s'habiller, se déshabiller. Cochonnerie, mécanique. Avons perdu notre fourrure, nos poils, en les frottant, en les raclant avec des cochons de costume. Regardez les macaques, bien plus jolis que nous, mieux parés, et pas de mécanique pour se vêtir. La mécanique, savez, c'est tout ce qui est le contraire de pensée et de bonne inertie. Mouvement, remuement bête des bras, laborieuse imbécilité d'être humain bon élève, pas révolté contre stupidités acceptées par la masse lâche, contente de se tyranniser elle-même quand elle est déjà assez embêtée par les padishas. Oui, regardez, macaques, les jolis macaques, pas de mécanique pour se vêtir, vénard de macaques, bon macaques, rien à faire qu'à se foutre à l'eau, quand ça leur chante, et ils sont prêts. Ah, monde actuel, saloperie où il faut travailler, ne fût-ce que pour boutonner des saletés de bottines. Ah, quand serons-nous dans un monde supérieur où l'on n'aura plus de ces infects battoirs ? Rien que des petites choses pour voler dans le bleu chaud. Chaud, savez bien, des petites mécaniques. Ah, bloom, pas mécanique, infamie, des petites affaires en plume comme en ont les petits. Choses qui font des saletés sur nos têtes du haut des arbres. Et après ça, poussent des quick, quick dans l'air. Les machins, les oiseaux, parfaitement, oui. Et ce Mongol qui professe des opinions de Polynésien ou de Gabonais est originaire de Saint-Étienne, ville où l'activité va jusqu'à l'épilepsie industrielle. Mais au fait, c'est bien simple, il est fatigué de naissance, comme le disait un de mes amis qui était dans le même cas, sans rien avoir de commun avec Saint-Étienne. Enfin, Nijo est franc. Plus franc que moi, qui n'oserais pas avouer aussi carrément mon amour, ma vénération, pourtant sincère, pour la bonne paresse. Mais le docteur Magne l'a interrompu. « Nijo, mon fils, vous déraillez. Nous allons au Chili, non pas dans le but de nous déguiser en macaque ou en volucre, mais bien avec l'intention de monter un grand établissement dont nous reparlerons. Nous avons pris de plus la résolution de convertir les populations chiliennes, inconsidérément catholiques, mais douces et maniables entre toutes, au culte de la grande déesse malveillante qui régit, en réalité, ce monde calamiteux. J'ai nommé Madame Auguste, ou si vous le préférez, Veli, Madame Veuve Auguste, cette fertilisante déité qu'adorent les mages Oïrl et Chnouma, cette bizarre ex-épouse d'un brahma herboriste, laquelle, à force d'imiter ces oiseaux perchés dans les branches dont nous parlait tout à l'heure Nijo, à force d'encombrer d'ordures nos pauvres existences humaines, finira, malgré tout, par nous porter chance dans ce monde ou dans un autre. Nijo, lui, très révolutionnaire, a tenu longtemps pour le dieu Morovache, ennemi des sergents de ville, Flix ou Sergo. Mais je l'ai ramené à de plus saines idées. Il a dénommé son faux immortel et se rue à présent vers les autels élevés à Madame Auguste. Nous avons décidément donné un accès au pauvre docteur Magne. et sa mythologie nous fatigue. » Khmoroun, qui voulait me forcer à menacer les deux philosophes de les accompagner au Chili, rien que pour rire, pour voir leur tête, ne songe plus qu'à s'en aller. Mon ou notre départ réjouit fortement les futurs aliénistes missionnaires. Ils se résignaient à subir ma présence, mais je n'étais pas persona grata, pas le moins du monde. Partis ensemble de Vasseto, ils ne se gênaient aucunement l'un l'autre. Leurs destinées se confondaient. Mais moi, qu'ils ne s'attendaient pas à voir, j'étais une sorte de spectre évocateur des tristesses de là-bas. Et puis, s'ils se sentaient, eux, délibérés, sinon guéris, du moins assimilés aux gens raisonnables, grâce à l'exéate signé des deux diplômés, tout ancien copensionnaire brusquement réapparu leur faisait l'effet d'un misérable fou en rupture de banc. Il me faudra donc m'écarter soigneusement désormais, si Khmoroun me laisse faire, de ceux qui me connaissent, car à tous, aliénés ou saints d'esprit, j'apporterai une inquiétude ou une souffrance. Comment agirai-je avec Irène? Vais-je aussi l'effrayer et l'humilier? Elle a plus de raisons que n'importe quelle créature humaine de redouter mon approche. Mais une douce et vaniteuse folie me reprend. Irène est Irène. Elle n'est pas comme les autres. Elle me pardonnera. Ne viendrai-je pas pour la soustraire au mauvais traitement de ce monstre de l'hôtelier, du mauvais magicien? Il me reste bien un doute qui me déchire le cœur, mais je m'en délivre assez vite. Il me semble que je lui arrache, à ce doute, les griffes, les serres plutôt, et qu'il fuit comme un grand oiseau noir mutilé, ridicule et pitoyable. Cette étrange matérialisation d'un doute m'épouvante de nouveau. Je deviens, bien sûr, de plus en plus dément. Pourvu qu'un accès de folie furieuse ne s'empare pas de moi avant que je l'aie revue, rien que revue. Ah, Irène, tes yeux noirs brûlants qui caressent vont me guérir. Tu m'aimes, tu dois m'aimer. Si absurdement laid, si stupide que je sois, tu as dû me pardonner mon odieuse brutalité, la passion que j'ai éprouvée pour toi, avant et après le crime, a toujours ou presque toujours été si pure, oui, si purement tendre, qu'il y a des moments où le monde invisible me pardonne, où l'espace n'existe plus pour moi et où je sens ton cœur, ton adorable cœur, battre contre le mien. Mon exaltation dure peu. Je me souviens tout à coup qu'il me reste une odieuse corvée à faire. Il est indispensable que j'aille trouver M. Cash et Nothinghales, banquiers, et leur demander tout ce qu'ils ont à moi, argent et valeur. Je veux promener ma princesse par toute la terre, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un royaume de quelques hectares à sa convenance, dans tel pays follement bleu. Cash et Nothinghales ont leur bureau sur la rive droite, par bonheur pas trop loin des ponts. Je me présente à la caisse de ces remueurs de métaux franco-yankees, les métaux et les gens, décline mes noms et prénoms, remet des papiers justificatifs et réclame tout, tout ce que la maison de banque détient pour mon compte. Un gentleman, irlandais de type, mais possesseur du plus nasillard accent, du plus anti-musical twang du Kentucky, compulse quelques registres, prend une très petite feuille de papier, griffonne une plus petite addition, ouvre un tiroir, en extrait des billets bleus, quelques monnaies d'argent et même des sous, et me met sous le nez la somme de 312 francs 45 centimes. Ma fureur muette, Puis mon ahurissement n'impressionne en rien le sous-financier transatlantique. Il m'explique avec gravité que ce qu'il vient de faire serait très irrégulier si mon conseil judiciaire, Monsieur Ruffio, n'avait pas dit que je pouvais toucher cette somme. Il dit cette chose et prononce cette chose que Monsieur Ruffio a mis tout le reste dans son poche et placé mes sesterces ailleurs. Il ne sait pas où. Alors j'ai un conseil judiciaire et c'est Monsieur Ruffio. Je suis très surpris que mon cousin ait dédaigné la petite chose. Il n'y a pas de petite somme pour lui. Mon Celto-Yankee excuse Elzéar en m'apprenant que la somme n'était pas rentrée quand vint le mari de Raoula et que mon scrupuleux parent croyait il rentrait pas. Alors il a dit que je pouvais toucher et j'ai touché. L'excellent Kentuckien referme son guichet et je n'ai plus qu'à me retirer pour aller cuver ma stupéfaction dans la rue. Je paie le fiacre. Mes moyens ne me permettent plus de me faire secouer les viscères par des caisses à roulettes. L'omnibus lui-même ne tarderait pas à me conduire à la ruine. Il y a bien les camions et les haquets, mais les charretiers ont pris l'exécrable habitude de débarquer leurs passagers à coups de fouet, et puis je n'en rencontre pas. D'ailleurs, il est tout à fait inutile que je regagne la rive gauche. J'ai bien de quoi aller jusqu'à Bordeaux, mais après, en admettant que je puisse m'offrir une place de troisième classe sur un transatlantique, j'arriverai aux Antilles sans le sou. Il m'est loisible de travailler pour mon passage, mais les compagnies de vapeur se prêtent de moins en moins à cette combinaison. Je dois plutôt recourir au voilier. J'en trouverai à Nantes. Mais le voyage pour me rendre en Loire inférieure est beaucoup plus cher que celui de Paris au Havre, et dans ce dernier port, je n'aurai que l'embarras du choix. Je sais parfaitement que Ruffieux est à chaque instant fourré au Havre pour ses affaires, et qu'il me sera désagréable de lui dire toutes les sottises qu'il mérite si je le rencontre. Mais tant pis, je ne vais pas me déranger pour un semblable filou. Si sa vanité est écorchée, il pourra la panser avec une compresse de billets de banque, car je ne vais pas lui faire un procès. Je ne reconnais aucune espèce de tribunaux. Je reprends donc le chemin de la gare Saint-Lazare et, quelques heures plus tard, les Havrais attardés sur le quai d'Orléans peuvent me voir déambuler, mélancolique mais plein d'espoir, regardant les navires en partance. Il est trop tard pour m'aboucher avec un armateur ou un capitaine. Mais demain, il y aura encore de l'eau salée, verte ou bleue, et de grands joujoux en bois pour aller dessus.